approche-toi de moi, ouvre grand tes ailes, la lune est-elle un ange veilleux sur toi, si tu as peur. Approche-toi de moi.